Chronique autrement. Détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Quiz aux bénévoles de l'Opération Nez Rouge. Décrivez ce que vous entendez. Allô, Nez Rouge. Comptable. Blond. 5 pieds 9. Familial rouge. 4 cylindres, 2006. Il y a un sac de chips entre les deux bancs. Le Club Tech. 62 des chaînes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Nez Rouges, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouges au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Ce soir à l'aérospatiale, une entrevue avec l'artiste Michel Lacombe. Anne-Sophie Homère de L'Œil de Poisson nous présente les expositions en cours et une discussion sur le projet de création collective Géant numéro 1 avec l'artiste Joël Tremblay et David Régnier de l'organisme ATD Quart Monde. Alors, bienvenue à cette édition du 15 novembre de l'Aérospatiale, votre magazine dédié aux arts visuels à Québec. Sarah Bélanger-Martel avec vous pour la prochaine heure pour parler d'art avec une autre belle brochette d'invités, dont l'artiste Michel Lacombe, artiste montréalaise, qui sera au bout du fil ce soir pour nous parler un peu de l'exposition, l'installation qu'elle présente au lieu, dès ce vendredi. L'installation s'appelle Bartolo Di Freddi's Bloody Gash, la Césarienne et la Chute de l'Homme. Alors, tout un titre et toute une installation qu'on a bien hâte de voir. Alors, on aura le plaisir de l'avoir en entrevue pour nous parler de ce projet bien précis, mais aussi de façon plus large de sa pratique et de son implication dans le milieu artistique. En début d'émission, on aura aussi la chance d'avoir en studio Anne-Sophie Homère, coordonnatrice aux communications de l'équipe de L'Œil de Poisson, qui va nous parler des expositions Danse macabre de Vicky Sabourin et Wall Drawing de Stephen Bolin, que vous avez encore la chance de voir jusqu'au 20 novembre, donc jusqu'en fin de semaine, en fait, à L'Œil de Poisson. Dans quelques minutes, on sera avec elle. Et en seconde moitié d'émission, on a aussi de bien intéressants invités. C'est l'artiste et professeur en arts visuels à l'Université Laval, Joël Tremblay, qu'on recevra avec David Régnier, qui travaille à l'organisme ATD Quart Monde. Et ils vont parler ensemble du projet Géant numéro 1, qui est en fait une peinture sonore et le fruit de plusieurs mois de travail, d'échanges, de création avec des adultes, des enfants, des adolescents résidents des HLM Hochelaga. Donc, c'est vraiment un projet très particulier et on aura la chance d'en parler ce soir avec eux. Restez avec nous donc pour cette émission de l'aérospatiale. Et tout d'abord, on va commencer par un extrait de la sélection audio de Simon Roy qui nous présente cette semaine un peu une sélection éclectique qui est sortie sur l'étiquette en ligne Big Wave Records. Alors, on va écouter un premier extrait qui est de l'artiste Nerit Gage. L'album s'appelle Mysterious Dub Works et le titre de cette pièce, c'est Haze. Alors, à tout de suite. Alors, de la belle musique, un peu dub, très, très mollo. Ça fait du bien en cette journée où le soleil tombe trop vite. Et je suis ici en studio avec Anne-Sophie Homer. Alors, bonjour Anne-Sophie. Bonjour Sarah. Anne-Sophie, tu es coordonnatrice aux communications à l'Œil de Poisson et tu viens ce soir nous parler des expositions qui sont en ce moment à l'Œil dans la Grande et la Petite Galerie. Deux expositions, des univers assez différents de Stephen Ballin à Vicky Sabourin. Là, on passe d'un univers à l'autre dès qu'on traverse la pièce. J'aimerais qu'on commence par parler de cette œuvre de Stephen Ballin dans la Petite Galerie, parce que moi, ça a été un coup de cœur quand je suis allée au vernissage il y a quelques semaines. J'ai vraiment adoré. Il était sur place aussi, d'ailleurs, pour parler de son œuvre. Alors, j'aimerais qu'on commence par décrire, peut-être aux gens qui ne l'ont pas encore vu, qu'est-ce que c'est qu'il nous présente? Qu'est-ce que Wall Drawing... Alors en fait, Stephen Ballin, déjà, c'est un artiste belge qui vient de Gand. Et effectivement, Stephen, tout au long de l'année, dans des carnets de croquis, il regroupe des dessins de son univers personnel, en fait. Ça va de des meubles de sa maison, vraiment un univers très personnel, aux endroits où, quand il va chez des amis dîner. Donc il a regroupé tout ça dans des carnets de croquis. Et en fait, durant les 8 jours de montage... Il a recouvert les murs de tous ses dessins. C'est une sorte de collage géant du sol au plafond. Donc, si vous connaissez la petite galerie de l'Œil de Poisson, c'est quand même une surface assez impressionnante. Mm-hmm. Surtout en hauteur, en fait. Hein, c'est vraiment la hauteur de cette pièce. Même derrière les tuyaux. Donc, il a reproduit les dessins de ses carnets de croquis qu'il a superposés, en fait, et uniquement avec du fusain. Donc pendant les 8 jours, il a travaillé du matin au soir à reproduire tous ses dessins sur les murs de la galerie. Et c'est une œuvre complètement éphémère, puisque dimanche soir, à la fin de l'exposition, l'œuvre sera détruite. Ah oui, hein, c'est vraiment... Il a travaillé justement le soir du vernissage. Je pense qu'il disait qu'il avait hâte de découvrir Québec parce qu'il était à peine sorti de l'Œil de Poisson. Il avait passé toutes ses journées à travailler sur son œuvre. C'est exactement ça. Il a passé beaucoup de temps là-dessus, mais... Comme visiteur, comme spectateur, c'est aussi quelque chose dans lequel on aime passer beaucoup de temps, cette œuvre-là qui est enveloppante, qui nous entoure de tous les côtés. On peut passer vraiment beaucoup de temps à l'observer parce que ce jeu de motifs, parfois abstraits, parfois répétitifs, et où on retrouve les motifs du quotidien. Oui. Et en fait, chaque jour, moi qui travaille là, je suis là tous les jours de la semaine, et à chaque fois que je fais un tour en petite galerie, je redécouvre un élément que j'avais pas encore vu la veille. Mm-hmm. Et c'est l'avantage, on peut voir et revoir cette exposition parce qu'on découvre toujours quelque chose. Mm-hmm. Je me suis aperçue qu'il y avait même une chaise de notre bureau avec un de nos manteaux qui était disposé. J'ai découvert ça il y a 2-3 jours. Je l'avais pas encore vu. J'avais fait attention à la tasse de café. À chaque fois, c'est une nouvelle découverte. C'est ça qui est vraiment chouette dans son travail. Oui, il y a quelque chose même de ludique. Je me souviens avec un ami, on y était. On essaie de trouver le plus de cafetières possible parmi les motifs. Mais il y a vraiment cet aspect de jeu aussi, de jeu avec les lignes et en même temps d'une grande précision. Moi, j'ai trouvé son travail particulièrement efficace parce que la ligne, elle est d'une précision incroyable. On se demande, est-ce qu'il a vraiment tracé ça à main levée? Et si c'est le cas, c'est presque impossible de deviner la direction de la ligne. Mm-hmm. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi bien, parce que le motif se découpe vraiment on a de la difficulté à voir qu'est-ce qui est le vide, le plein. C'est vraiment une œuvre où notre œil travaille beaucoup, en tout cas. Oui, tout à fait. Oui. Et surtout, moi, durant le montage, quand je le voyais travailler avec son fusain, je me demandais comment 8 à 9 heures par jour, il faisait pour rester avec la main en l'air. Parce que tu sais, parfois, tu coloris sur une feuille et tu t'aperçois que tu fais des traces avec ton poignet, ta main qui se repose. Lui, imagine la main en l'air pendant plus de 8 jours de montage sans jamais faire une seule trace, vraiment à main levée, du sol au plafond. Mm-hmm. C'était vraiment un travail... d'une grande précision, comme tu l'as dit. Oui, presque quelque chose. Il y a beaucoup de répétitions dans les motifs. C'est des motifs qui se déroulent. C'est quand même intéressant parce qu'il y a des espaces représentés, des espaces d'une cuisine, des espaces domestiques, des escaliers, mais qui finissent par vraiment s'aplatir. Il y a un côté très 2D à tout ça, comme si l'espace était déroulé. Presque la référence au papier peint aussi est présente parce qu'évidemment, avec la hauteur de ces murs-là, c'est vraiment ce qui ressort. Ouais. Et tout à fait. Et notamment, je sais pas si tu as pu faire attention au vide également dans l'espace. Les vides, du coup, mettent en exergue complètement, des fois, des superpositions vraiment, parfois, ils collent vraiment beaucoup de dessins les uns sur les autres. Et du coup, ça s'oppose vraiment à ces grands espaces vides que tu peux retrouver. Et je trouve que c'est intéressant, justement, sur les murs de voir des espaces, comme ça disposé. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui n'a pas uniquement une pratique en dessin. Il fait aussi de la peinture, je crois. Et quand il travaille à petite échelle, c'est ce qu'il racontait. Il fait des dessins qui sont vraiment très différents quand même de ces dessins qui sont faits à même le mur. Mm-hmm. Quand vous l'avez invité ou quand vous avez sélectionné son dossier, vous attendiez-vous à ce qu'il fasse une œuvre de ce genre-là, vraiment une œuvre in situ spécifique, une installation murale de ce genre? Mais on avait vu ça dans son dossier, en fait. Il avait déjà fait des wall drawings de ce type, notamment dans une église où il avait également recouvert du sol au plafond. C'est quelque chose qu'il avait déjà travaillé, qu'on avait déjà vu. Mais ce qui est exceptionnel dans le travail de Steven, c'est qu'en fait, chaque lieu étant différent, chaque lieu ayant une histoire différente, l'œuvre prend tout un autre sens. Là, il est à l'œil de poisson. Auparavant, il y a eu d'autres artistes. François Mathieu occupait cette galerie le mois dernier. Et donc, les murs sont chargés à chaque fois d'une histoire différente. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail de Steven. C'est-à-dire qu'on remet un coup de peinture blanche, il fait son œuvre, et elle sera différente la prochaine fois, mais ça sera gravé dans le mur, en fait. Mm-hmm. Donc vraiment, il faut le voir, mm-hmm, pour voir l'œuvre. Elle ne vivra pas autrement. Ah non. Et on a donc jusqu'en fin de semaine pour découvrir la petite galerie de l'œil complètement transformée, tout en fait, par ce dessin. Oui. Et dans la grande galerie, c'est le travail de Vicky Sabourin. Oui, alors avec son exposition « Danse macabre ». En fait, c'est un travail qu'elle a initié au Banff Center cet été, où elle a travaillé la céramique, elle a appris à travailler différents médiums qu'elle n'avait pas l'habitude de travailler jusque-là, parce qu'elle travaille beaucoup avec de la laine feutrée, avec ces fameux animaux qu'on a pu voir pas mal dans les médias ces derniers temps. Et en fait, cette exposition-là est également basée sur une vidéo YouTube qu'elle a trouvée. C'est un trappeur de Nouvelle-Écosse qui, dans le désir de vouloir aller dans la nature et attraper des animaux, être seul, into the wild, il attrape en fait un chat sauvage. Le chat sauvage se retrouve coincé dans son piège, et quand il veut le détacher, le chat sauvage se met à avoir des sursauts de vie. Et en fait, pendant tout ce temps, le chasseur est en train de se filmer, et on s'aperçoit son expression de stupéfaction de voir ce chat sauvage se réanimer. Et donc, elle a reproduit ce chat sauvage en laine feutrée qui est disposé dans l'exposition, et on peut apercevoir en fait ces sursauts quand on regarde discrètement dans la cabane qui se trouve au milieu de l'exposition, et on peut voir la vidéo de ce chat qui a un sursaut de vie. Mmh. Et donc, il y a ce mélange entre cette distinction vraiment fine entre entre cet homme qui veut être seul dans la nature mais qui met sa vidéo sur YouTube face finalement au monde entier. Mm-hmm. On a également cette frontière très mince entre la vie et la mort avec ce chat sauvage qui est là. Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il est mort? Se pose pas mal de questions autour de ça. Et on a la question aussi de cet espace privé, puisque une grande corde est tirée. Si tu étais au vernissage, tu as pu voir ça durant la performance. Une corde qui interdit finalement aux gens de passer, et se pose la question: est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Comme quand on se balade le dimanche en forêt et qu'on voit ces panneaux privés, ne pas rentrer, mais on a quand même envie d'aller cueillir cette pomme derrière la barrière, ou mm-hmm, de rentrer. Mm-hmm. Donc finalement le spectateur, le visiteur est invité à passer à travers cette ligne, malgré toutes les interdictions. Malgré toutes, oui, qu'on voit un peu partout sur les murs aussi. Moi, je suis arrivée au vernissage un peu après la performance, mm-hmm, et sans savoir, en fait, j'avais aucune idée qu'il y avait une performance ce soir-là. Avoir su, je serais arrivée à temps. Mais il y avait quelque chose un sentiment d'être, d'arriver post quelque chose. Il s'était passé quelque chose, et cette présence-là est encore dans l'espace. Quand on voit l'exposition, ce n'est pas simplement les traces d'une performance. Il y a vraiment plus que ça. Il y a tout un diorama qui est installé. Mm-hmm. C'est une installation qui prend vraiment avantage de la grandeur, de l'espace, de la grande galerie, justement. Mais il y a quand même un sentiment d'être arrivé après l'action. Je trouve, il y a des traces d'action, il y a des traces d'histoire. Vicky Sabourin tisse beaucoup de liens avec des choses qui ne sont pas présentes nécessairement dans le lieu. Et je trouvais ça intéressant aussi, toute sa, cette mise en scène-là aussi. Il y a vraiment plein de renvois à des vanitas, par exemple, des signes de la mortalité, des petits pièges en céramique. Et aussi toute l'imagerie qui est reliée à la chasse, défense de passé et tout ça. Donc, et ça renvoie à plein de choses qui ne sont pas nécessairement là directement, mais on a le sentiment qu'elles existent à l'extérieur des récits autres. Donc, c'était une exposition qui est intéressante. Moi, j'ai personnellement j'ai l'impression, m'a moins touchée, j'ai l'impression qu'il aurait fallu que je voie la performance pour vraiment mieux apprécier l'œuvre qui est là. Est-ce qu'elle va faire... Elle a fait une performance le soir du vernissage. Est-ce que généralement, c'est la manière dont elle travaille, Vicky Sabourin, performance surtout, et ensuite des expositions autour de ça? Ou... Souvent, quand elle est plus sur place, puisque c'est une artiste qui vit à Montréal et qui a aussi d'autres expositions en même temps et une grosse activité artistique en ce moment, effectivement, quand elle est peut-être plus proche géographiquement, elle en fait d'autres, des performances. C'est vrai que... elle aurait aimé, je pense, en faire d'autres, des performances. Et effectivement, cette performance avait un vrai sens à l'introduction, à l'ouverture de l'exposition. Comme tu dis, elle a apporté beaucoup aux gens qui étaient présents là, dans la compréhension de ce tableau vivant, en fait, qui était vivant à ce moment-là. Mais non, pour l'instant, il est jusqu'à dimanche, en tout cas, il n'est pas prévu qu'elle nous refasse une performance. On retrouvera des photographies sur le site de L'Œil de Poisson. Mais non, il n'est pas prévu d'autres performances, malheureusement. Donc, on essaiera de l'attraper dans une prochaine série de performances. C'est jusqu'au 20 novembre prochain, jusqu'à dimanche. Mm-hmm. Ensuite, il y a la foire qui se déplace à L'Œil de Poisson. Et ensuite, déjà, Noël. Mais oui! Oui, Noël, ça nous fait un peu de la peine d'en parler déjà si tôt dans l'année. Mais Noël s'en vient et à L'Œil, vous avez une activité spéciale pour les fêtes. Tout à fait. En fait, ça va être la troisième édition de notre souper de financement que nous appelons amoureusement la tablée de Noël de L'Œil de Poisson. En fait, c'est le chef du restaurant Ciel, David Forbes, qui vient cuisiner avec ses acolytes. Il vient bénévolement. Et en fait, nous proposons un repas 4 services servis par nous, par les membres de L'Œil de Poisson. Nous avons un animateur qui viendra nous faire travailler les abdominaux tellement on va rire, un DJ pour nous user les chaussures sur la piste de danse et une scénographie imaginée par Cynthia Dinan Mitchell qui est en train de travailler sur un magnifique espace parce qu'on va transformer la grande galerie de L'Œil. Donc c'est vraiment un repas complètement atypique dans un lieu assez exceptionnel. Vous pouvez acheter les billets sur le site internet de L'Œil de Poisson, œildepoisson.com, ou également en venant nous faire un coucou au 580 Côte d'Abraham. Et donc, je peux dire le prix des billets. Bah, certainement. Alors, un billet, c'est $150 et on vous fait un reçu de charité de $100. C'est quand même... Ça vaut vraiment le coup de venir. Ça vaut vraiment le coup. C'est un beau cadeau à offrir aussi. Mais oui, à des proches. Exactement. Et on a jusqu'à quand pour acheter ces billets? Les places sont limitées. On fait un repas avec 60 personnes. Donc, les places partent assez vite. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir rapidement si ça vous intéresse. Alors déjà, pour ceux et celles qui sont dans l'esprit des fêtes, voilà une suggestion de cadeaux reliés aux arts visuels. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci, et puis, Sarah. On va se déplacer à L'Œil, ceux qui n'ont pas eu la chance encore, pour voir ces expositions. De notre côté, on écoute un petit extrait audio, encore une fois, de ces mêmes Big Wave Records. Cette fois-ci, c'est l'artiste Alky Sound avec la pièce Recondite. est de retour à l'aérospatiale et avec une autre invitée qu'on était très heureuse d'avoir ce soir. Alors, Michel Lacombe, artiste montréalaise, est au bout du fil. Bonsoir, Michel. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Ouais. Oui. Oui. Alors, Michel, tu es une artiste qui vit et travaille à Montréal. Et cette semaine, en fait, vendredi, c'est le vernissage de ton exposition, une installation que tu proposes au lieu. C'est à Québec. Donc, on a bien hâte de voir ça. Et on était heureux de t'avoir un petit peu pour parler non seulement de ce projet-là, mais de parler de façon plus générale de ta pratique, de ton travail et peut-être pour décrire aux gens qui n'ont jamais eu la chance de voir ta pratique en performance ou sous forme d'exposition. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu sur quoi tu travailles? Oui, mais je travaille en fait avec la corporalité. Alors, j'ai une pratique qui s'inscrit un peu dans une tradition de la performance. Mais ce qu'on va retrouver au lieu comprend aussi un volet de body art. Alors, je vais expliquer un petit peu en plus de détails. En gros, moi, je suis très préoccupée avec les traditions dans l'histoire de l'art occidental en ce qui concerne la représentation du corps féminin. Je suis une artiste féministe, alors pour moi, c'est super important depuis le début de ma pratique d'adresser un peu ces enjeux-là, dont la façon que mon corps est lu par un public général. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente dans le contexte de mes performances dans les actions, mm-hmm. mais aussi dans les projets de body art. Des projets de body art, c'est des projets qui sont aussi performatifs, mais qui sont construits à base d'interventions corporelles. Mm-hmm. Alors, je travaille avec des traditions de modifications corporelles courantes dans notre culture, dont la scarification ou le tatouage. Et en me servant de ces stratégies-là, je fais des marques sur mon corps qui deviennent un peu des propos conceptuels et performatifs qui m'aident à me rapprocher un peu de ces traditions-là de représentation. Mm-hmm. Donc, par exemple, je vais faire des marques qui réfèrent à la tradition de la nue dans l'histoire de la peinture ou, comme on voit ici dans l'exposition au lieu, c'est une exploration plutôt de la tradition de dans une approche judéo-chrétienne, la naissance d'Ève, qui est comme une origine de la femme. Et je jume ça, en fait, avec l'histoire de césarienne, alors des interventions médicales en ce qui concerne les accouchements des femmes enceintes. Oui, c'est ça. Donc, le thème du corps de la femme, mais du corps de la femme qui est spécifiquement le tien aussi. Moi, je me rappelle, un des premiers projets que j'ai vu de toi, c'était justement celui où tu prenais la pose d'une Vénus et que tu avais The Venus's Landscape, je crois, le titre. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Qui avait été tatoué, en fait, sur ton corps, l'endroit où les lignes s'alignaient, créait un peu le profil d'une Vénus célèbre dans l'histoire de l'art. Et j'ai l'impression que cet intérêt-là aussi pour les archétypes, non seulement dans l'histoire de l'art simplement, mais de façon plus large, dans les représentations de la femme, reviennent. Donc là, tu parles de la femme d'un point de vue judéo-chrétien. C'est comme aussi cette représentation-là que tu t'appropries et que tu intègres à ton propre corps. Oui, c'est ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est des sources, dans ma recherche, des sources d'origine de ces représentations-là. Alors, dans le projet que tu as évoqué, The Venus Landscape, la peinture que je reproduis sur mon corps avec ces marques-là, c'est la première nue dans l'histoire de l'art occidental. Et ici, je travaille avec une autre, je dirais, première, dont la première femme dans la narration ou la mythologie ou la religion chrétienne, dépendant d'où tu positionnes face à ça. Et je regarde des instances d'illustration de cette histoire-là. Mm-hmm. Et j'en ai trouvé une particulièrement auquel je me suis attachée, qui représente en fait la naissance ou la création d'Ève d'une manière corporelle. Alors, dans la fresque qui est en postiam, en fait, dans une église, on retrouve une représentation de Ève, une femme encore anti-adulte, qui émerge du torse de Adam, qui est couché sur le gazon, en fait. Mm-hmm. Et ce qui m'intéresse particulièrement avec cette image-là, c'est quand on fait un petit peu de recherche, on réalise que la marque qui est inscrite sur le corps de Adam est en fait une marque qui représente les traditions de la césarienne dans ses très débuts, quand elle a émergé comme une pratique médicale. Mm-hmm. Et c'est pertinent aussi parce que cette pratique-là médicale, elle est aussi sortie de traditions religieuses. qui privilégiait en fait le corps de l'enfant par-dessus le corps de la femme. Alors souvent les femmes qui ont subi des césariennes dans ses tout débuts, là on parle du 15e siècle, en fait c'était des femmes mortes ou mourantes déjà pour pouvoir donner un baptême et un funérailles par la suite à l'enfant. Mm-hmm. Alors moi ce que j'ai fait dans ce cadre de ce projet-là, c'est que j'ai pris cette marque-là qui est comme une tradition de la césarienne et je l'ai faite reproduire sur mon corps par le processus d'une scarification. Mm-hmm. Et en essayant de le retourner à un corps réel et en fait féminin, alors de le sortir du pictoral et de le sortir du corps représenté d'Adam et de le retourner sur mon corps dans un corps féminin, j'essaie en fait d'évoquer cette tradition-là de la césarienne en ce qui concerne la lecture de cette œuvre-là pour apporter un nouveau propos sur la lecture de la fresque originale. Alors, au lieu de voir ça comme la création d'Ève, j'ouvre en fait une possibilité, ce qu'on peut lire ça, c'est un peu radical, mais comme la mort de l'homme, en fait. Comme, okay. Le début de la femme apporte en conséquence aussi une représentation de la mort de l'homme. Mm-hmm. Cette réappropriation-là aussi, j'ai l'impression des modifications corporelles, parce que ils ont beaucoup été imposés à travers l'histoire, à travers les sociétés, la violence sur le corps des femmes ou l'imposition de modifications sur le corps des femmes a beaucoup été présent. Le fait que tu le fasses sur ton propre corps, que toi-même tu te réappropries d'une certaine manière, est-ce que c'est une forme de réinterprétation, de résistance? Comment tu l'interprètes? Ben pour moi c'est un geste qui se positionne un peu entre la résistance mais aussi entre une position de je sais pas c'est quoi le mot en français mais allyship, un espèce de geste de solidarité avec ces femmes-là dans l'histoire que pour des raisons comme tu dis sociopolitiques n'ont pas eu le droit souvent sur le contrôle de les interventions dans leur corps mais aussi dans la lecture du corps et ça on peut dire c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui dans des contextes contemporains et modernes. Mm-hmm. Peut-être de manière moins radicale mais pour moi comme artiste qui travaillait déjà avec mon corps dans un contexte de performance, ça me semblait presque impossible de pas adresser un peu ces traditions-là et ces historiques-là et de m'aligner avec. Fait que dans un certain sens, je cherche à faire peut-être pas une résistance, mais une critique en ouvrant une relecture. Mais c'est pour moi aussi le but de travailler avec mon propre corps et de faire des marques qui sont permanentes en fait sur mon corps. Mm-hmm. C'est aussi un geste en fait de solidarité avec ces femmes-là en fait souvent anonymes, oubliées, et de me positionner un peu en relation avec elles de manière plus directe. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ce geste, tu portes plusieurs de ces gestes-là au quotidien sur ton propre corps. De façon générale, comment tu perçois l'exposition? Parce que il y a une partie de ta pratique qui est gravée dans ton propre corps. Il y a une partie de ta pratique qui est dans le moment de la performance. Comment l'exposition, le moment d'exposition qui se prolonge, lui, dans le temps, parfois dans l'absence de ton propre corps, qu'est-ce que ça donne à voir de ton travail? Comment tu l'envisages? Ouais, mais pour moi, l'exposition devient un espace pour pouvoir, je pense, aller chercher un public plus général ou un public moins intime. Parce que c'est certain que moi, le but de travailler avec ces actions-là et de marquer mon corps, les tenir avec moi, c'est une forme de circulation qui touche un certain public, mais c'est un public souvent qui me connaît déjà et qui les gens font la rencontre des œuvres de manière très organique et informelle. Alors pour moi, l'exposition devient une occasion de, je pense, valider un processus qui demeure en fait très marginal encore et pas énormément visible, dans le sens que les performances sont souvent faites dans des contextes privés ou sous invitation. Fait que c'est pour moi d'ouvrir le travail et le projet, mais aussi au lieu de présenter une documentation plus traditionnelle de performance où on voit des photos de ce qui s'est passé, j'essaie en fait dans l'exposition de pouvoir pousser un petit peu plus loin et donner l'occasion au public aussi d'expérimenter pas juste les traces et les marques, mais les références. Alors, j'essaie de créer des environnements. Ici, l'exposition, l'installation existe comme une reproduction, en fait, de la fresque originale, dans un certain sens. Mm-hmm. Alors, le but aussi, c'est de permettre de passer un peu au-delà du corps pour aussi regarder, en fait, les recherches, les références et les atmosphères que j'essaie de travailler avec dans le contexte très privé de la performance et de la modification corporelle. Mm-hmm. Et cet intérêt-là pour la documentation, même l'autodocumentation, de façon générale aussi, l'historicisation là, de ces pratiques-là de performance, je pense que c'est un intérêt que tu portes. Et d'ailleurs, pour les auditeurs, auditrices qui auraient la chance de voir, tu as participé au projet de bibliographie commentée d'Artext et on peut voir sur Vimeo, sur la chaîne Vimeo de Artext, ta bibliographie commentée où tu abordes justement ces enjeux-là de pratiques qui ont été documentées ou auto-documentées à travers le temps. C'était un beau clin d'œil à des gens qui l'ont fait dans l'histoire avant toi aussi. Je sais que pour toi, l'engagement aussi, l'implication dans ta communauté artistique est très importante. Tu y es très active d'ailleurs toujours. Oui. Oui, j'ai plusieurs chapeaux, en fait, dont l'artiste, mais aussi la travailleuse culturelle. Je fais du bénévolat dans plusieurs organismes, je suis sur des comités de programmation. En fait, c'est important pour moi, tenant compte, en fait, de la difficulté des fois de décision de mon travail. Je suis rentrée dans le travail culturel, en fait, pour pouvoir, de un, construire une communauté alentour de ce que je fais, mais de deux aussi pour aider à soutenir peut-être des pratiques en art visuel qui sont un petit peu plus à soutenir dans des contextes de diffusion traditionnelle. Alors, ma spécificité, c'est vraiment, je pense, la performance, mais tout ce qui se dirait des pratiques un petit peu moins disciplinées, qui sont plus difficiles à cadrer ou cerner. Alors, ici, on parle vraiment du performatif, mais aussi de l'intervention, de l'art furtif, en fait, tout ce qui est un peu plus difficile à rassembler dans des contextes de diffusion traditionnelle. Fait ici, j'ai l'exemple d'un projet qui a été articulé dans un contexte qui opère facilement dans une exposition parce que c'est cohérent avec le propos du projet. Mais c'est certain que je suis très sensible au fait qu'il y a plusieurs artistes qui ont des pratiques un petit peu plus radicales. Et mon travail d'artiste est complimenté par un travail d'essayer de rassembler cette communauté-là d'artistes et par la promotion, pas juste du travail que eux ils font individuellement, mais aussi l'historique de cette discipline-là. Et les façons d'autogestion qu'on retrouve dans ces communautés-là. Mm-hmm. Une dernière question avant de te quitter, parce qu'on manque déjà de temps avec toi. Ouais. Merci beaucoup d'ailleurs. Tu reviens du Festival international de performance de Toronto. Est-ce que tu aurais proposé un artiste ou une artiste à nos auditeurs, auditrices, un artiste de performance qu'on devrait découvrir, que tu as peut-être eu la chance de voir récemment à Toronto? Ben, il y en a plusieurs. C'est difficile, je pense, d'y aller, de faire ce jeu-là, mais je vais y aller de manière très personnelle. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour un artiste qui s'appelle Mekikiki. Mekikiki, qui vient de Toronto, qui habite à Toronto actuellement, que j'avais vu performer, ça fait très longtemps, dans un contexte, en fait, de cabaret queer, en drag. C'était quand même très explosif. Et ici, dans le contexte du festival, je ne savais pas qu'il continuait à faire une pratique et j'étais très heureuse de faire la rencontre du travail qui était très corporel. Alors, l'artiste travaillait vraiment avec des stratégies que moi, j'ai une forte appréciation pour. Entre autres, des manipulations corporelles. Fait que, entre autres, une des actions que l'artiste a fait, c'est de retirer du sang. Mais tout en essayant d'éviter un côté spectaculaire que je trouve des fois désagréable avec ce type de pratique, l'artiste servait aussi de la stratégie d'avoir le dos tourné au public. Alors, dans le contexte de la performance, il y avait plusieurs actions qui nous étions cachées, auxquelles on n'avait pas accès. Et en exemple, à la fin de la performance, l'artiste nous a demandé de quitter la salle pour que l'artiste puisse terminer la performance seule. Et c'est des enjeux de résistance et des stratégies un peu d'effacement et de refus que je trouve très intéressantes comme spectatrice en performance, de pas me faire donner un spectacle tout desservi, mais en fait de faire reconnaître de manière très sincère que je participe à une action donnée par l'artiste, mais auquel j'ai pas forcément le droit de tout voir. Que l'artiste a la permission de garder certaines choses cachées. Et pour moi, ça m'intrigue, ça m'apporte à réfléchir un peu plus profondément. Et ça me bouleverse d'une façon que je pense que le travail souvent reste avec moi. Alors, Mekiki, c'est un artiste que je pense que pour moi, c'était une belle surprise de redécouvrir son travail dans un contexte très différent. Bien, merci beaucoup pour cette suggestion. Et de notre côté, on va venir voir ton exposition à vernissage dès ce vendredi au lieu. Merci beaucoup de t'être joint à nous ce soir. Bonne soirée, Michel. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Et de notre côté, on va en pub et on vous revient tout de suite après. Les retardés mentaux sont toujours un peu réticents à l'idée du changement. CKRL 89A.

non seulement regarder l'œuvre, mais on y colle son oreille. Ah, et oui. Ce qui est assez intéressant, ça devient presque une performance, parce que là, on voit les gens qui ont l'oreille collée après l'œuvre. Et c'est comme si les gens faisaient un câlin à l'œuvre. Lors de l'exposition, j'ai vu ça, ça m'a comme touchée. Et quand on parle des gens, on parle de qui exactement? Qui sont ces gens qui ont contribué à bâtir cette œuvre? David, peut-être, on vous écoute là-dessus? Oui, ben c'est ce que dit Joël, c'est-à-dire que dans l'œuvre, il y a l'objet, mais il y a 6 mois de processus créatif et sans doute une centaine de personnes qui ont été impliquées dans ce processus. Et donc, on a créé ce géant numéro 1 avec Joël, avec notre organisme ATD Quart-Monde, mais surtout avec les résidents d'habitations HLM dans le quartier Hochelaga. Et donc, voilà, dont depuis des enfants de 3-4 ans jusqu'à des aînés, des grands-parents de plus de 80 ans. Et voilà, donc on a choisi ce bout de quartier parce que on sait que c'est un quartier où certaines personnes ont la vie difficile, vivent l'exclusion, vivent des... Voilà, il y a des questions de toxicomanie, de prostitution, des enfants qui réussissent pas à l'école, des situations vraiment pas faciles. Mm-hmm. Mais en même temps, on veut affirmer que c'est possible de créer et de prendre le pouvoir aussi en se mettant ensemble dans un projet créatif. Mm-hmm. Et ça a été donc, si je comprends bien, une série d'ateliers de création qui ont mené jusqu'à ce qu'on voit. On parle tout du processus géant numéro 1. Ce n'est qu'une portion, en fait, de tout ça. Il y a eu toutes sortes d'ateliers qui se sont déroulés. Oui, et même, je dirais, plus que des ateliers, dans un certain sens, c'est vraiment de la part de l'artiste et puis aussi de David, d'ATD Quart-Monde, une présence. Être là, dans le quartier, être prêt, les gens qui n'osent pas sortir, aller sonner aux portes, aller au petit déjeuner le matin, aller dans le parc. Alors, ça a été vraiment, c'était pas des ateliers, c'était vraiment un dialogue, c'était écouter les récits, écouter les histoires de vie, être présent. Mmh. Et je pense que une artiste comme moi ne peut pas faire ce genre de travail sans un complice dans le milieu qui connaît les gens. Mm-hmm. David était là depuis 5 ans, je pense. Hein, David, je me trompe peut-être, là? Non, c'est bien ça. C'est ça. Mm-hmm. Et grâce à ça, il connaissait les gens et les gens lui faisaient confiance. Mm-hmm. Ils m'ont fait confiance parce qu'ils connaissaient David. Mm-hmm. Parce que ça ne s'improvise pas. Et moi, je ne suis pas là depuis 5 ans dans le quartier. Mm-hmm. Alors, c'est notre collaboration qui a permis, avec les gens, de réaliser ça. Mm-hmm. Et vous avez entendu des histoires de ces gens-là, des histoires de vie. Les gens se sont beaucoup ouverts pour contribuer à ça. Est-ce que vous avez l'impression que l'approche par la création, par l'art, permet cette ouverture des gens, permet cet échange peut-être un peu plus intime que d'autres types d'activités qu'il peut y avoir ou de contacts qu'il peut y avoir? Est-ce que l'activité artistique a cette qualité-là de... Ce que je dirais, c'est qu'on a aussi vécu un autre projet de création avant et qui a donné lieu à une œuvre pour HLM, œuvre pour cage d'escalier. Il y a eu un vernissage dans la cage d'escalier avec plusieurs paliers de responsables autour, même de la ville et tout. Uh-huh. C'est assez spécial. Et c'est sûr que l'art, quand il est diffusé, exposé, c'est presque un geste politique. Ça donne une autre image aux personnes de ce qu'ils sont à eux-mêmes et à la communauté autour. Mm-hmm. Alors, c'est assez puissant, mm-hmm. une œuvre. Mm-hmm. Qu'on appelle ça la beauté, qu'on appelle ça ce qu'on veut, ou le dérangement, ou la résistance, mm-hmm. ça dépend de la forme d'œuvre. Mais il y a quelque chose, hein. Je ne sais pas si David... Oui, David. Ben, je trouve que c'est difficile de répondre à cette question. À ATD Quart-Monde, on fait d'autres... actions qui sont des actions de participation citoyenne, par exemple, ou des actions d'actions politiques, voilà, d'essayer de faire entendre ce que pensent et ce que savent des personnes qui vivent des situations d'exclusion, de pauvreté, là où des décisions se prennent. Et je ne mettrai pas l'un avant l'autre ou l'un autrement que l'autre, mais c'est sûr qu'on est convaincu que un processus créatif comme on a vécu avec le géant numéro 1, c'est un mode d'expression, c'est une façon de rassembler les gens. Ça a beaucoup de force. qui est d'un autre ordre que quand on fait une université populaire avec, mm-hmm. sur un thème bien précis. Il y a un des participants, par exemple, à un moment donné, on lui a dit « qu'est-ce que ça fait ?» qui est cette œuvre dans l'escalier, à la cage d'escalier du HLM. Il a dit « ben, ça fait moins mal à la tête ah, ». Ouais. C'est comme si la laideur des lieux mm-hmm. rend malade. Mm-hmm. C'est une autre façon de dire. Mm-hmm. Et puis dans d'autres projets, moi j'ai déjà eu des gens qui disaient ben, « je ne vois plus mon enfant de la même façon mm-hmm. ». Et c'était avec des personnes handicapées. Mm-hmm. Quand un parent dit ça... Ça a un impact. Ça a un impact. Mm-hmm. Et ça, je crois que c'est le langage visuel. C'est le langage qui n'est plus la parole, mais qui est la peinture. Bon, mm-hmm. ça ne remplace pas, c'est autre chose. Autre chose. Et d'ailleurs, il y a eu un beau maillage entre les deux. J'en profite parce qu'on a un extrait de la portion sonore de cette œuvre-là. Alors, trois courts extraits qui, si je ne me trompe pas, Joël, corrige-moi si je me trompe, mais ce sont des extraits qu'on peut entendre à différents endroits de la peinture si on se colle l'oreille sur cet endroit-là. C'est bien cela? Oui. Oui, alors on écoute ces courts extraits. J'ai sauté de la balançoire. Ow! J'ai perdu la respiration. Et j'ai dû avoir un plâtre car j'ai eu de l'inflammation. Faites attention. Je sais qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui peut avoir des plus gros problèmes que moi. Je faisais des jumps avec mon bicycle. Oups! Quand tout à coup, j'ai pensé à ma dépendance de utérus. Car j'aimais trop ça, c'était mon amour. Pharmatisme. Bref, ton amour a changé ma vie. Ton amour a changé ma vie. Bonjour, j'ai eu 7 points de suture sur la jambe. Maman. Aïe, aïe, aïe, que ça fait mal. Maman. J'ai eu une trauma Maman. Cardiogramme Maman. Avec une embolie familiale. Maman. Cicatrice Maman. De bonheur. Maman. J'ai passé proche de ne jamais Maman. Être ici avec vous autres, Maman. Puis je vous en parle. Maman! Alors, c'est trois extraits assez différents. Et il y a quelque chose de très poétique. Ce sont des petites histoires, des petites vignettes de la vie de ces enfants, de ces adultes-là, de ces adolescents aussi qu'on entend. D'un point de vue d'artiste, où il est l'aspect le plus poétique, le plus artistique dans un projet comme celui-là? Est-ce qu'il est vraiment dans cette œuvre géant numéro un où on va se coller l'oreille ou il serait plutôt dans cette rencontre qui a lieu à travers le processus? C'est une question que je lance. Écoute, je ne sais pas si je voudrais dire plus. Mm-hmm. Je dirais qu'il y a trois niveaux à l'œuvre. Il y a tout ce processus qui est absolument extraordinaire de rencontres, d'écoutes, d'histoires qu'on ramasse, et d'histoires qui sont reconstruites. Puis il y a le plaisir, le jeu aussi de réaliser l'œuvre, que ce soit la peinture, que ce soit les croquis qui ont précédé, les déguisements en grand malade qu'on a fait avec les enfants. Il y a eu des photos qui ont été prises. J'ai travaillé des photos sur Photoshop. On a fait des photos d'anges aussi, parce que le grand blessé, tout d'un coup, on a réalisé que ce personnage avait aussi un ange. Il était coloré dans une aile. C'est toute la communauté qui soutient mm-hmm. et qui fait grandir. Ça devient géant, mm-hmm. la personne. Et aussi, quelqu'un nous a parlé de la corne d'abondance intérieure que ça développe. Alors, dire que l'un est plus que l'autre, je dirais que c'est interrelié. Et plus que ça même, je dirais que l'autre part de l'œuvre, c'est la transformation mm-hmm. même des personnes qui sont impliquées. Autant l'artiste que les participants, que... Bon, ça, c'est impalpable, mm-hmm. mais mm-hmm. on peut le voir des fois quand même dans la fierté oui. des participants. On l'a vu un peu au vernissage, il me semble, David. Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre de poser une question à David, l'organisme ATD Quart-Monde, on parle de transformation. Vous misez beaucoup sur ce pouvoir transformatif de partager les savoirs, notamment. Et là, ça s'articule à travers une collaboration avec une artiste en art visuel. Est-ce que vous avez d'autres collaborations comme ça avec des artistes? Alors, ATD Quart-Monde, c'est un organisme qui est international, qui est présent dans une trentaine de pays dans le monde. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose qu'on met de l'avant et qu'on développe beaucoup. C'est des projets avec des artistes, avec des personnes qui vivent des situations de, d'exclusion ou de pauvreté. Et oui, alors c'est on fait attention, c'est-à-dire que bien sûr il y a une transformation, puis bien sûr on espère que pour les gens retirent quelque chose de positif dans leur vie. En même temps, on fait pas de l'art thérapie, c'est plus que ça. C'est-à-dire que on cherche vraiment à ce que les gens puissent c'est des personnes à qui on demande pas la vie, à qui on retire le pouvoir de prendre des décisions sur leur propre vie. Mm-hmm. Et donc par en participant à un processus créatif comme celui-là, on reprend du pouvoir. Et donc c'est quelque chose de très fort, et je voudrais pas le réduire seulement à juste du bien-être. Avec Joël, on se retrouve aussi dans une grande proximité avec des idées de frérer, et où on sent que c'est vraiment un processus d'humanisation. Mm-hmm. Voilà, on fait l'expérience qu'on a tous des facultés créatrices et aussi des aptitudes à la liberté. Oui, une expérience qui est démocratique, qui est politique, il y a un côté très politique derrière ça. C'est quelque chose qui t'anime dans ton travail de façon générale, Joël? Oui, d'être sensible au monde, à l'état du monde actuel, mm-hmm. à tout ce qui se passe, à observer. Et puis depuis 30 ans, d'ailleurs, il y a 30 ans, je faisais du théâtre de rue pendant 5 ans en Europe avec ATD Carmonde. Et c'est là qu'on s'est connus, pas avec David, mais le mouvement. Uh-huh. Et c'est comme si, 30 ans plus tard, revenir à des liens qui sont très forts et faire quelque chose ensemble, c'est assez touchant. Mm-hmm. Puis quand tout à l'heure, David parlait de Paulo Freire, qui dit que il parle d'un plus-être. Et le plus-être, c'est développer plus d'humanité. Puis il dit qu'exister humainement, c'est dire le monde, c'est le modifier. C'est agir sur le monde. Et quelque part, la création, on agit sur la matière, mm-hmm. sur le pinceau, sur le son. Alors, d'avoir tout d'un coup ce pouvoir-là, et d'oser le prendre, mm-hmm. et dire aux gens, ben là, tu as quelque chose à donner aux autres. Parce que souvent, ils sont en position de recevoir, mm-hmm. on leur donne. Que ce soit manger, que ce soit... Tout d'un coup, c'est eux qui donnent. Mm-hmm. Et le bouleversement, moi, que j'ai vécu, puis que je vis souvent dans ce genre de projet-là, c'est de voir combien c'est riche, tout ce qu'on reçoit de ces personnes aussi. Mm-hmm. Et combien c'est important que ce soit vu, dit, que le lien soit là. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est géant numéro un, celui-là. Est-ce qu'il y aura donc d'autres géants qui pousseront dans les prochains mois, peut-être, prochaines années? On a tellement de recueilli d'histoires, et il y a un potentiel faramineux. Ça se peut qu'il y en ait d'autres. On va voir selon le temps qu'on a, selon les recherches. C'est sûr que on a les projets d'en avoir d'autres. D'accord. Quand, ça, je ne sais pas. Hein, David? Oui, c'est difficile à dire, mais c'est sûr que ça nous a donné envie d'aller plus loin. Et on a vécu quelque chose de très, très fort. Et comme dit Joël, on est très impressionnés par tout ce qui ressort et toutes ces histoires de vie qui ont été collectées à travers des dizaines d'entrevues, et cette envie des gens d'en faire quelque chose de leur expérience de vie. Oui, bien, merci énormément d'être venu nous en parler ce soir. Merci beaucoup, Joël Tremblay. Merci. David Régnier, merci beaucoup. Alors, de notre côté, on fait une courte pause musicale, et on vous revient avec le dernier segment de l'aérospatiale. Alors, encore une fois, vers la fin de l'aérospatiale, comme toujours, on vous donne un peu un agenda artistique pour cette semaine. Alors, ce jeudi, il y a la soirée Mine de rien, la soirée de création interactive dont Mélina Kerouas était venue nous parler il y a 2 semaines. Alors, ça se passe ce jeudi de 19h30 à 21h30 au Tam Tam Café. Et il y aura également ce jeudi 17, vernissage de l'exposition Persona Grata, une exposition collective des étudiants de la première à la troisième année au bac en arts visuels à l'Université Laval dans la salle d'exposition du Desjardins